Today, April 18, 2022. Today, I would like to encourage our yogis with the words of the Buddha. Before our Buddha went for Parinibbana or demised, he reminded the bhikkhus to depend on the Dhamma. So, with the words of the Buddha, I would like to encourage our yogis boosting for the practice, to practice meditation diligently. Aujourd'hui, nous sommes le 18 avril 2022. J'aimerais encourager les yogis avec les mots du Bouddha avant son parinibbana ou avant son décès. Le Bouddha a rappelé aux bhikkhus de se fier au Dhamma. Et donc, j'aimerais encourager les yogis en utilisant les mots du Bouddha, encourager les yogis à pratiquer la méditation avec diligence. Un Bouddha est apparu dans le monde et quand les êtres cessent de pratiquer son enseignement va disparaître. À présent, tous les enseignements du Bouddha sont toujours dans le monde, aucun ne manque, parce que les êtres continuent à pratiquer son enseignement. Sila, Samadhi, Panya, la moralité, la concentration et la sagesse. Tant que les êtres pratiqueront son enseignement, le sasana du Bouddha, c'est-à-dire son enseignement, ne disparaîtra pas du monde. De nos jours, on ne peut plus voir le Bouddha vivant, mais son enseignement, toutes les 84 000 portions de son enseignement, sont toujours dans le monde. Nous sommes donc très chanceux de pouvoir en disposer. Pas un seul des dhammas de son enseignement, pas une seule des portions de son enseignement n'a disparu. Nous devrions nous considérer comme très fortunés, très chanceux d'avoir l'opportunité d'essayer toutes les différentes pratiques proposées dans son enseignement. Nous ne devrions pas manquer cette chance. Nous devrions pratiquer toutes les formes de son enseignement et surtout Vipassana, la pratique de Vipassana qui est la seule qui permet d'atteindre Nibbana, d'atteindre la libération. Nous avons déjà entendu de nombreuses fois différents professeurs ici à Dhammaramsi qui ont récité le Mahasatipatthana Sutta, Ekayano Eyambikave, Mago. Ceci, Bhikkhu, est le seul chemin, c'est-à-dire les quatre fondements de l'attention. C'est la seule voie qui permet d'atteindre l'illumination, qui permet d'atteindre Nibbana. Et donc nous sommes extrêmement chanceux. Nous devrions donc pratiquer avec diligence, avec ardeur et avec énergie. Même si un Bouddha n'apparaît pas dans le monde, les gens sont encore en mesure de pratiquer Sila et Samadhi, donc la moralité et la concentration. Mais par contre, s'il n'y a pas un Bouddha qui apparaît dans le monde, ils ne pourront pas pratiquer Vipassana, car seul un Sammasambuddha est capable d'enseigner Vipassana. Sammasambuddha, un Bouddha parfaitement illuminé par lui-même. Il y a deux types de Bouddha. Il y a les Pacheka Bouddha et les Sammasambuddha. Les Pacheka Bouddha, c'est des Bouddhas individuels. Ils disposent des mêmes qualités et de la même compréhension que les Sammasambuddha, mais ils ne peuvent pas enseigner la libération aux autres. Ils ne sont pas capables d'enseigner la libération aux autres. Donc nous sommes vraiment très chanceux de voir l'enseignement du Bouddha. Nous devrions pratiquer la méditation telle qu'il l'a enseignée, Atapi, en déployant des efforts, Sampajano, en comprenant clairement, Satima, en étant attentif à chaque instant sans exception. Notre Bouddha, lorsqu'il avait 29 ans, a renoncé au monde, il a quitté son palais, il s'est rendu à la forêt d'Uruvela pour pratiquer la méditation dans le but de réaliser la bouddhéité. Il a vu les quatre signes ou les quatre personnes, un vieillard, un malade, un cadavre et finalement un moine. Et quand il a vu le moine, il a compris que là se trouvait le chemin de la libération. Il a alors renoncé au monde, il a quitté son palais, il s'est rendu dans la forêt d'Uruvela, qui se trouve toujours en Inde aujourd'hui. Il a tant pratiqué la méditation que seuls ses os et sa peau restaient. Il était émacié au point de n'avoir plus que la peau et les os. Il s'est efforcé de parvenir à son but, à travailler très dur, mais sa méthode n'était pas bonne pour atteindre la bouddhéité. Après 6 ans d'efforts, il l'a réalisé et il s'est dit « il faut que je change de technique ». Il a modifié sa méthode, il a pratiqué avec diligence et finalement il a atteint son but. Il est devenu un Sama Sambuddha. Dès le moment où il est devenu un Bouddha, le Bouddha a enseigné le Dhamma aux êtres humains et aux Devas. Il ne prenait pas beaucoup de temps pour se reposer, parce qu'il savait que la durée de vie des êtres humains contemporains est courte, et donc la nuit il ne dormait qu'environ 2 heures. Le jour il enseignait aux humains, et la nuit il enseignait aux Devas, aux déités. Lorsqu'il pratiquait la méditation, le Bouddha n'avait pas de professeur. Il a rencontré 2 enseignants, mais il a su que leur méthode ne convenait pas pour atteindre la bouddhéité. Et donc, il a pratiqué 6 ans seul, sans trouver le chemin. Finalement, il l'a trouvé. Et donc, nous n'avons plus à trouver le chemin, nous n'avons plus à trouver la méthode. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de l'appliquer, mais aussi de pratiquer avec diligence et avec ardeur. Ehi pasika, ehi dukkham. Le Bouddha a dit, regarde, j'ai compris ainsi la véritable nature du corps et de l'esprit. Toi aussi, tu peux comprendre si tu pratiques toutefois énergiquement et avec ardeur. Tu ne me crois pas? Pratique toi-même, mais fais-le avec diligence et avec ardeur. Le Bouddha a donc quitté son palais. Il a pratiqué la méditation dans la forêt d'Uruvela. Après 6 ans de pratique, quand il avait 35 ans, il a réalisé la bouddhéité. Il est devenu un Sama Sambuddha. Ensuite, il a encore vécu 45 ans. Et lorsqu'il a atteint 80 ans, il est décédé. Il a atteint le Parinibbana. Juste avant son Parinibbana, il a rappelé au bhikkhu Appamadena Sampadeta. Il était très soucieux de la libération des êtres. Il le rappelait 3 fois par jour au bhikkhu Appamadena Sampadeta. Efforcez-vous avec diligence. La même phrase que le précepteur nous donne après qu'on ait pris les préceptes. Tous les jours, l'enseignant nous rappelle efforcez-vous avec diligence. Appamadena Sampadeta. Tisaranena saha navenga samanagata dhamma sadhu kankatoa apamadena sampadeta, nous dit le professeur. À présent, nous avons pris les 9 préceptes. Nous avons entendu la façon dont il faut pratiquer la méditation vipassana. Soyez attentifs à ne pas rompre les préceptes. Soyez attentifs à pratiquer la méditation correctement, observez la façon dont vous marchez, la façon dont vous observez l'abdomen. Ça, c'est Kaya Nupassana. Ensuite, Vedana Nupassana. Il y a différents types de ressentis, plaisants, déplaisants, neutres. Lorsqu'ils apparaissent, n'oubliez pas de les noter, ne les ignorez pas, restez actifs. Ensuite, Chittanupassana, l'attention aux pensées, aux consciences. N'oubliez pas de noter les pensées. N'oubliez pas de noter quand l'esprit vagabonde ou lorsqu'il y a des imaginations, des planifications. Enfin, Dhammanupassana, quelle que soit la nature du corps et de l'esprit qui vous apparaît, notez-la. Le Bouddha, donc, rappelait aux bhikkhus 3 fois par jour cette phrase « Appamadena Sampadeta ». Lorsqu'il avait 80 ans, le Bouddha était sur le point de mourir et il rappela aux bhikkhus, en particulier à Ananda, Ananda Thera, Tasmatiha Ananda Viharata, Atadipa, Atasarana, Aninya Sarana, Dhammadipa, Dhammasarana, Aninya Sarana. Donc, Ananda, tu dois vivre de cette façon. De quelle façon? Tu dois vivre en te prenant toi-même pour île, en prenant refuge en toi-même. Tu dois vivre et en ne prenant pas d'autres refuges. Donc, Aninya Sarana, ne cherche pas un refuge ailleurs, ne cherche pas un autre refuge. Nous autres, êtres humains, parfois nous voulons nous fier à nous-mêmes, mais parfois, par exemple, si nous avons des fils et des filles, nous aimerions nous fier à eux, ou alors nous fier à nos richesses, si nous avons des richesses. Oh, j'ai des fils et des filles, je peux me fier à eux, je peux me fier à mes proches, je peux me fier à mes amis. En réalité, les amis, les proches, les richesses ne sont pas vraiment fiables. Il vaut mieux se fier à nous-mêmes. Il vaut mieux se fier à notre propre île. Parce que nous devons faire le travail nous-mêmes. Nous voulons savoir ce qu'est l'esprit, ce qu'est la matière, ce que sont les causes et les effets. Nous devons pratiquer nous-mêmes. Les autres ne peuvent pas pratiquer pour nous. C'est pourquoi nous prenons refuge en nous-mêmes. Personne ne peut le faire à notre place. Dhammadipa, Dhammasarana, Aninyasarana. Donc, prenez le Dhamma comme votre île. Utilisez le Dhamma comme votre refuge. Comme quand on dit Dhammam Saranam Gacchami. Prenez le Dhamma comme refuge. Aninya Sarana, ne cherchez pas d'autres refuges, seulement le Dhamma. Quel Dhamma devons-nous prendre comme refuge? Ce sont les 4 fondements de l'attention, comme nous les pratiquons maintenant. Kaya Nupassana, Vedana Nupassana, Chitta Nupassana, Dhamma Nupassana. Avec les 4 fondements de l'attention, nous pouvons nous libérer du samsara, nous pouvons nous extraire de la souffrance, nous pouvons atteindre Nibbana. C'est ainsi que le Bouddha nous encourage à pratiquer. Donc les yogis sont vraiment fortunés, sont vraiment très chanceux d'avoir cette opportunité. Lorsque vous pratiquez les 4 fondements de l'attention conformément aux instructions, vous devez être attentif dès le réveil et jusqu'au moment d'aller vous coucher, en emportant avec vous votre attention tout au long de la journée, quand vous êtes assis, quand vous marchez, quand vous êtes debout, quand vous êtes couché. Vous essayez d'emporter partout l'attention avec viriya, avec l'ardeur. Si vous pratiquez réellement ainsi, vous serez fatigué. Mais une fois que l'esprit se sera posé, si vous êtes capable de noter l'objet présent qui apparaît de façon rapprochée, toute fatigue va disparaître. Vous saurez par vous-même à quel point vous êtes dans le confort, parce qu'il n'y a pas d'avidité, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de pression, c'est-à-dire de lourdeur physique et mentale. Lorsqu'il n'y a pas de pollution mentale dans l'esprit, l'esprit est léger, le corps est léger, vous vous sentez bien. Avec un esprit pur, vous connaîtrez, vous comprendrez l'esprit et la matière, les causes et les effets. Et je l'ai déjà expliqué, Atta dit pas, il faut se fier à vous-même. La connaissance vient automatiquement quand vous pratiquez ardemment et énergiquement. C'est pourquoi vous devriez pratiquer avec diligence. Ce conseil donné par le Bouddha paraît très simple. Atta dipa, atta sarana, anenya sarana, dhamma dipa, dhamma sarana, anenya sarana. Mais si on sait ce qu'il entend par là, on se rend compte que cet enseignement est profond, en fait. Si nous ne nous fions pas à nous-mêmes, nous n'avons aucune chance de comprendre l'esprit et la matière, les causes et les effets. Ceux-ci sont très éloignés. En fait, si nous ne faisons pas la distinction entre l'esprit et la matière, nous ne pouvons pas comprendre les causes et les effets. Donc nous voyons que l'esprit qui note, cela relève de l'esprit, que l'objet noté, cela relève de la matière. Ainsi, pendant la méditation assise, le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, c'est la matière. Le pas droit, le pas gauche, pendant la méditation en marche, c'est la matière. Et l'esprit qui note, chaque fois, c'est l'esprit. Il n'y a que ces deux choses-là. C'est pourquoi nous sommes encouragés à noter de façon rapprochée. Lorsque l'esprit qui note se porte vers l'objet, la compréhension vient automatiquement. Il n'y a pas besoin de chercher quoi que ce soit. On comprend. La prise de note, c'est une chose. Et l'objet noté, c'est autre chose. On les distingue clairement. Ce n'est pas une compréhension superficielle. Il ne s'agit pas de quelque chose de superficiel ou de creux. Lorsque l'on comprend ce qu'est l'esprit, lorsque l'on comprend ce qu'est la matière, on élimine le concept. On ne pense plus « ceci c'est mon pied » ou « ceci c'est à moi, je suis beau ». On ne pense plus ces choses-là. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'esprit. Pourquoi est-ce qu'on comprend cela? C'est parce que on pratique la méditation vipassana. Okay, that's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu.